Annonce 2. Le TER 3640 en provenance d'Arcachon et à destination de Bordeaux-Saint-Jean va entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît.